au superflu de surcroît. Et la lège d'accroix qui chancelle et ballotte sur toi. Et les cartes de toi, les soucis malingres qui te voient, fait décamper les malins qui déploient une énergie facile à te mettre au plus bas. Fais-moi connaître la joie, fais-moi connaître la foi, fais-moi rencontrer la voix, fais-moi renaître encore une fois. Oh, fais-moi connaître la joie, oh, fais-moi connaître la foi, oh, fais-moi rencontrer la voix, fais-moi connaître toutes ces choses à la fois. Et peut te soumettre à tes choix pour ne pas commettre d'irréparables dégâts. Tout ce que tu souhaites, mon petit gars, prends une impulsion complète et saute le pas. Et peut te soumettre à tes choix pour ne pas commettre d'irréparables dégâts. Tout ce que tu souhaites, mon petit gars, prends une impulsion complète et saute le pas. Oh, fais-moi connaître la joie, fais-moi connaître la foi, fais-moi rencontrer la voix, fais-moi renaître encore une fois. Oh, fais-moi connaître la joie, oh, fais-moi connaître la voix, oh, fais-moi rencontrer la foi, oh, fais-moi connaître toutes ces choses à la fois. S'il y en a, il veut te faire connaître et lier les doigts. On pourra dire peut-être que c'était sympa. Je suis prêt à prendre perpète parce que j'aime ça. Et créer les périmètres pour voir les tensions. S'il y en a, il veut te faire connaître et lier les doigts. On pourra dire peut-être que c'était sympa. Je suis prêt à prendre perpète parce que j'aime ça. Fais-moi connaître la joie, fais-moi connaître la foi, fais-moi rencontrer la voix, fais-moi renaître encore une fois. Oh, fais-moi connaître la joie, oh, fais-moi connaître la foi, fais-moi rencontrer la voix, fais-moi connaître toutes.